Salut les amis. Salut Alex. Eh ben, elle est pas revenue. Non, elle est encore malade. C'est encore moi le chef. Ouais, mais c'est triste. Oui, pardon, c'est triste. Pardon, c'est la maladie. Bah oui, on lui a dit reste à la maison, c'est mieux comme ça. C'est mieux évidemment quand c'est moi qui présente, c'est mieux. Mais non, on lui a dit c'est mieux pour sa santé à elle qu'elle reste à la maison. Oui, la santé d'abord. Bah oui, puis cela dit, connaissant Charline, s'il est pas là. C'est que c'est grave. Ouais, peut-être qu'il y en a pour 2-3 semaines. Non, quand même pas. Alors là, on sait pas. Moi, j'ai lu des trucs sur Doctissimo. Ah ouais, c'est peut-être elle souffre énormément. Bah disons que si elle a entendu comment tu lançais les disques, c'est sûr qu'elle souffre. Bon, allez, moi je cherche des sujets, je veux qu'elle soit contente de sa remplacer. On reçoit une super géographe. Ah, je vais lui poser des questions capitales. Capitale du Bénin, tac. Capitale du Honduras, tac. Ça fera une bonne interview. Si Charline entend ça, ça va l'achever direct là. Ah bah, t'es sûr? Bah oui. Non, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui parler des inondations à cette dame. Ah oui, ça c'est une bonne idée, Juliette. Bien. Et alors, sinon, il y a aussi tout un dossier. Excuse-moi de revenir sur la souffrance de Charline. Ouais. Peut-être il faudrait penser à l'euthanasie. Oh là là là là. Bon, donc je disais, il y a un dossier dans Cosette. Non, parce que moi, je peux la reprendre l'émission. Ouais. Alors, on en parlera en temps voulu. Je voudrais, par rapport à ce dossier... Si je le fais, c'est pour le public, mais parce qu'il... Ferme-la. Pardon, c'est parce que le décès de Charline, ça me touche et... C'est sur quoi ce dossier? Excuse-moi. C'est un dossier sur les insultes. Ah bah du coup, Juliette, t'es déjà prête, hein, j'ai l'impression. Tu sais quoi, Maurice? Ouais. Ferme bien ta gueule. Ouais. Non mais physiquement. Ouais. Bonjour la France Inter, l'ambiance est bonne dans l'équipe. Bonjour à tous et bonjour Lyon où vous nous écoutez. Mais on n'est pas là, on est triste. Vous écoutez l'émission qui a gardé l'actualité à Paris pour raisons syndicales. Et voici les trois informations que nous allons envoyer vers la capitale des Gaules, mais dans toute la Gaule. Dites donc ma petite dame, il n'y a plus de saison. Les rivières sortent de leur lit, la Seine a son record historique depuis 50 ans. Signe d'un dysfonctionnement, il pleut dans toute la France, sauf en Bretagne. Mais c'est que cette plante? Patonge. De plus en plus de gens font venir à eux les coiffeurs, esthéticiennes ou autres restaurateurs. Ce tout à domicile est-il un gain de temps ou un repli sur soi? En tout cas, le problème, c'est que quand c'est chez soi, on n'y échappe pas. Votre dentiste, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Duchemin. Vous êtes sûr que c'était prévu pour aujourd'hui? Oui, c'était aujourd'hui. Et on terminera par l'élégance verbale. Oui, on peut insulter, mais avec panache et créativité. Par exemple, la célèbre insulte de Céline à Jean-Paul Sartre, sous raclure de pelle à chiottes. Quand ça vient de Céline, c'est tout de suite plus beau et c'est quand même mieux que... Je suis accompagné à la pagaie de toute une belle équipe présentée par mon camarade Guillaume Meurice. Effectivement, Alex, aujourd'hui une belle équipe. Vous avez vu, j'ai repris vos expressions. J'attends impatiemment le moment où vous allez dire une équipe un petit peu à chier, mais on va faire l'émission quand même. Aujourd'hui, une belle équipe. On a du bol, hein. Avec pour commencer celle qui a la pétillance du champagne et la douceur de la crème de cassis, le guide royal de cette émission, Juliette Arnaud, qui remplacera Charline donc encore aujourd'hui. Bonjour Juliette, ça va? Oui, bonjour. Vous êtes prête? Et vous-même? Mais ça va très bien, ça va très bien. À 17h20, celui qui a la pilosité d'un ours du Caucase et la pédagogie d'un prof de musique shooté au LSD, le balou de l'émission, André Manoukian, bonjour. Ah, j'aime bien. De quoi allez-vous nous parler? Je vais vous parler de Jameson, un artiste blanc, blond, qui est soul, qui est de toutes les couleurs à l'intérieur de lui-même. Jameson qui est aussi un whisky, hein, Juliette, attention. Il y a de la cohésion dans cette équipe. À 17h40, l'acteur dont les chroniques ont la fougue d'un adolescent devant Kim Kardashian et parfois la trajectoire d'un avion de la Malaysian Airlines, le Macaulay Culkin de l'émission, Hippolyte Girardot, bonjour. Bonjour Guillaume. De quoi allez-vous nous parler, Hippolyte? On a hâte. De l'autoroute. D'un coup on a moins haute, mais c'est pas grave. À 17h50, celui qui a la voix de Vanessa Paradis et le physique de Bruce Willis qui aurait fait Koh-Lanta, le Frédéric Fromet de cette émission. Il s'agit bien évidemment de Frédéric Fromet. Et à 17h30, celui qui a le physique de Ben Affleck et le génie d'un Einstein. C'est couillon, je vais m'occuper moi de ah non, parce que moi je peux faire ma présentation. Celui qui a le physique d'une serpillière et la mauvaise foi d'un arracheur de dents, le Thomas Thévenoud de cette émission. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, moi j'aurais préféré le faire. Mais c'est pas grave. Alors, moi aujourd'hui j'ai appelé le MEDEF pour connaître l'opinion des patrons sur la situation sociale en France et faire un petit bilan du mois de mai. Alors on a eu la chance d'avoir un mois de mai qui était un mois de patron dans le sens où il n'y a pas eu trop de ponts. Voilà. Ah, le patron est donc décomplexé. Hein. L'humour patronal, voilà. Tout à l'heure. Si tu écoutes, j'annule tout est présent dans le monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire, il reste de la place. Le référent de la République qui préside cette émission est né sous Valéry Giscard d'Estaing. Oh oui, je suis désolé de vous le dire. En 2000, vous entrez à l'École Nationale Supérieure, c'est l'année de la sortie de Mission Impossible 2. En 2006, vous soutenez une thèse sur les crues de la Seine. C'est l'année où Jacques Chirac inaugure le musée du Quai Branly, en passe de devenir un musée océanographique en ce moment. Et 2012, vous publiez Paris coule-t-il, l'année du Costa Concordia, mais là, a priori, il n'y a pas de lien. Vous êtes... Magali Regueza. Eh oui, la chance. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Je vous cache pas que vous êtes ma première géographe. On n'a pas connu d'autres avant vous. Il faut bien commencer un jour. Sais, hein. Et je me réjouis de parler cru avec vous. Et en fait, si vous êtes là... Pas trop cru quand même. Donc, vous avez tout compris de l'émission, j'ai l'impression. Évidemment, on en fera le sujet de cette émission. C'est pas un speed dating. Si en fait, vous Alex. Êtes là... Mais si, je vais un peu vite parce que c'est parce que Lyon a coulé. Nous devions être à Lyon et nous devions être aux Nuits de Fourvière. Et nous sommes au téléphone avec Dominique Delorme. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Alors, d'abord, on mille fois désolé de ne pas être parmi vous. C'est la faute à Myriam El Khomri. Hein. Ah bah on est triste, on vous attendait. Mais vous nous réinviterez l'an prochain ? Oui, bien sûr. Ah. En plus, on vous a trouvé un super théâtre magnifique. Ah, c'est ça que j'allais vous demander. Qu'est-ce qu'on a raté à Lyon ? Oh là là, vous avez raté, d'abord vous avez raté cette magnifique compagnie québécoise des Sept Doigts de la Main qui va ouvrir le festival avec Triptyque. Ça c'est ce soir. On voulait vous accueillir dans une salle qui s'appelle la salle Molière, qui apparaît-il une des plus belles acoustiques d'Europe, où vos voix auraient résonné merveilleusement. Enfin, nous sommes hyper tristes, mais hyper contents de vous avoir au téléphone. J'ai André Manoukian qui acquiesçait de la tête quand vous disiez que la salle résonnait bien. Il m'a dit tout à l'heure, les Nuits de Fourvière, c'est le plus beau lieu où on peut aller voir des spectacles, André. Oui, c'est le plus bel endroit de concert qui soit, je dirais presque en Europe, à part sur les pieds du Mont Blanc où j'officie moi-même. Mais quand on est dans cet amphithéâtre immense, on est au sommet de la colline de Lyon et on a une vue incroyable. Et je pense qu'il y a une magie qui n'existe nulle part ailleurs, aussi bien pour les artistes qui jouent que pour les spectateurs qui sont là. Vous êtes d'accord, Dominique Delorme ? Oui, alors c'est un lieu magnifique où il n'y a pas que des concerts. D'ailleurs, on fait du théâtre, du cinéma. Et de la danse, mais d'ailleurs une fois bon, Sting est venu plusieurs fois et dans ce théâtre romain de 4500 places, il disait c'est j'adore, j'ai l'impression de jouer dans un club. Donc il y a un rapport au public, il y a un mur de public et une immense proximité de la scène, et c'est un lieu magnifique avec effectivement cette vue qui va jusqu'aux Alpes. En 45 secondes, les highlights de cette année. Alors, ça cherche dans le dictionnaire anglais-français là, hein, j'ai l'impression. Hein. Les highlights, hein. Les grands moments. Et voilà. Hein. Quand on n'a pas bossé à l'école, ben voilà, c'est ça aussi. Hein. Monsieur a peut-être fait espagnol première langue. Monsieur Delorme, dites-nous, qu'est-ce qu'il faudra aller voir? Oui, alors cette année, c'est une année foot avec l'Euro. Donc on a joué. Restez chez vous et allez voir les matchs. On a invité Eric Elmosnino, l'acteur qui a eu un César pour son rôle dans Gainsbourg, qui était aussi dans La Famille Bélier, qui était aussi dans le Cœur des Hommes 3. Et Eric Elmosnino, qui est un magnifique acteur de théâtre, vient endosser le rôle de Garrincha, le plus bel ailier droit de l'histoire du foot, grand ailier brésilien, une star, voilà, dans un spectacle, dans un texte écrit par Serge Valetti. Ça s'appelle Monsieur Armand Di Garrincha. C'est une création en Nuit de Fourvière avec un solo d'Eric Elmosnino. Et ça sera, je pense, une des pépites du festival. Eh ben, merci beaucoup à vous. L'année prochaine, promis, rendez-vous est pris. On vient vous voir sur place dans ce bel endroit. Et allez, j'imagine, sur le site des Nuits de Fourvière pour voir tous les spectacles que vous pourrez découvrir là-bas. Merci à vous, monsieur Delorme. On va passer à toute l'actualité qu'on a préparée. Mais avant ça, une petite chanson, évidemment, qui va avec le temps, puisque c'est les tortues que nous allons écouter de Turtles. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, And you say you belong to me. It leaves my mind. Imagine how the world could be. So very fine, so happy together. They tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. Les Turtles, happy together. Les Turtles. Heureux ensemble. Bien et sûr. C'est le cas de cette émission où nous accueillons Magali Arreguezza et son dernier livre, Paris coule-t-il ? Je pense que là, si vous ne faites pas un best-seller cette semaine, bien joué en tout cas la promo. Le on marketing. Se demande dans quelle mesure ce n'est pas arrangé ce truc-là maintenant. À qui on profite parlera. Le crime ? Et je suppose qu'on vous l'a déjà faite celle-là. Jamais. Jamais. Très bien. C'est la première c'est fois. C'est ça, c'est des émissions innovantes comme la nôtre. Vous avez bien fait de venir. Et autour de la table, Juliette Arnaud. Par ordre d'apparition et des croissants de beauté. C'est Gérard en dernier. Et voilà. André Manoukian, Guillaume Meurice et Hippolyte Girard. Vous réglerez vos comptes après. Évidemment, voilà. Des inondations, il en est question également dans le journal. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Oui, inondation à Paris. Les œuvres du musée du Louvre ont été évacuées. Et heureusement, parce qu'à la brasse, la Vénus de Milo est pas hyper douée. Culture. En Chine, un enfant a accidentellement fait tomber une sculpture en Lego qu'un artiste avait mis 3 jours et 3 nuits à construire. C'est bien fait le nombre de fois qu'un adulte a casté mes constructions en Lego. C'est une belle vengeance. Et il y aura des brèves, Alex. Bah, j'ai tout donné puisque Charline est toujours pas là. Et on commence par les inondations à Paris. La Seine à son plus haut niveau aujourd'hui. Et oui, l'inverse de François Hollande. Oui. 11% d'opinion favorable. Et les JT de 20h ont voulu être au plus près de l'info. Prenons France 2, Pujadas. Bonsoir Laurent Desbonnets, vous êtes en direct à Paris et en situation, comme on dit, vraiment en situation. Où en est-on ce soir? Est-ce que l'eau continue à monter? Et oui, en situation, vraiment en situation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en salopette, dans la Seine, en s'enfonçant dans l'eau jusqu'au pecto. Je ne mens pas, et écoutez, évidemment, son analyse. On s'enfonce extrêmement rapidement, il faut être prudent, puisqu'il y a beaucoup de courants, beaucoup d'objets aussi charriés par le fleuve. Non, il faut pas être prudent, il faut être complètement con pour y aller, Lolo. Mais bon, j'imagine qu'on te l'avait demandé, et même Pujadas l'a remarqué ça. Merci Laurent, et n'allez pas plus loin. Et heureusement qu'il lui dit le con, il y aurait été. Donc on attend le reportage de Laurent sur l'éruption du Vésuve. Évidemment, il n'y a pas qu'à Paris, Alex, il faut le préciser, à Paris intramuros qu'on souffre de la crue. Hein. Et non, est-ce que vous savez quel événement a dû être annulé à Corbeil-Essonne ce week-end? Dites-nous. La fête de l'eau. Non. Je vous jure que oui. Ah oui. Je vous dis le communiqué paru dans Essonne Info. Suite aux événements de ces derniers jours et au risque de crue de la Seine, la fête de l'eau qui devait se tenir ce week-end à Corbeil-Essonne a été annulée. Mais attendez, rassurez-moi. cérémonie elle aura lieu. Je continue évidemment. Toute l'équipe se mobilise pour tenter de reporter cet événement au programme riche, proposant notamment des promenades en péniche sur la scène. C'est con parce que ce week-end, on aurait pu mettre plus de péniche, hein, justement. De place. Côté bonne nouvelle, en revanche, le Valois Perret, le niveau de l'eau y descend. Et oui, l'expérience de la mairie en matière de liquide hein, finit par payer. Finalement, c'est bien. Allez, on quitte les inondations. Oui, passons à l'affaire Benzema. Oui, sur iTélé, Valrand Saint-Just, figure importante du Front National à Paris, il est fâché, il est colère, il comprend pas. Ça m'a énormément choqué. Moi, j'ai réagi en disant stop aux injures faites contre la France et contre les Français. Hein, parce que c'était jusque-là. La France est le pays, je le répète souvent, le pays le moins raciste du monde. Il n'y a pas de vrai racisme en France. On sent qu'il connaît bien les Français. Et ben, s'il n'y a pas de racisme en France, à quoi sert donc le Front National ? International à présent, un village suisse va payer 260 000 euros d'amende pour ne pas accueillir de migrants sur son territoire. Ce village suisse préfère en effet payer pour ne pas accueillir de réfugiés. Alors que jusque-là, la Suisse, c'était l'inverse. En général, les réfugiés étaient accueillis en Suisse parce qu'ils préféraient ne pas payer les impôts. Effectivement, passons au people. Oui. Salma Hayek déclare, je cite, « Le sexe n'est pas la clé d'un mariage heureux ». Ah, on imagine le bonheur de François-Henri Pinault qui va se la coller sous le bras ce soir. Culture à présent, le masque de démon japonais Obeshimi arrive à Paris au musée du Quai Branly. Alors sa particularité, il ressemble énormément à la marionnette de Chirac au Guignol. Voilà, l'avantage c'est qu'on va pouvoir le voir en clair. C'est vrai, musée toujours dans une expo en Chine, un enfant a accidentellement saccagé une sculpture en Lego qu'un artiste avait mis 3 jours et 3 nuits à construire. Attention, alerte jeu de mots. La sculpture est par terre comme l'ego de l'artiste. Ah, vous avez bien fait de prévenir. La police du jeu de mots est à nos trousses et on passe au bref, Alex. Oui, Dunkerque, le chat. Témoin gênant d'un vol fini dans le congélateur. Ah, d'accord, mais on lui a rendu justice. Ah oui, mais non, c'est le voleur qui est au frais. Oula, allez, une petite pause. Le jeu de mots. Espagne, ils annoncent la mort de leur mère dans un quotidien avec un smiley, celui qui ferme un œil et qui tire la langue. Et oui, c'est sympa. S'il avait été incinéré, c'était l'émoticône, il y a du feu. Et je fais une petite dernière, même pas de vanne. Angleterre, par amour pour leur poisson rouge, ils font 200 km pour le faire opérer. Je savais pas quoi ajouter, mais je trouvais que c'était nécessaire que vous sachiez. Il y a des gens qui aiment leur poisson rouge. Voilà, mais c'est et comme puis ça. Notre invité aime l'eau, donc poisson rouge, il y avait un vrai lien. Oui, je bosse aussi les transitions. Magali Regueza, de livre Paris, coule-t-il ? On n'a jamais été aussi proche du livre de l'invité que du premier sujet. Pluie debout, titre le Huffington Post. Pour preuve, la Seine risque de dépasser 6,30 m. Alors, chiffre qui, moi, ne me dit mais absolument rien. Mais apparemment, c'est grave. Le zouave du pont de l'Alma sort à peine la tête de l'eau. Et nos équipes ont suivi les pompiers de Paris qui sont sur le qui-vive. C'est malin, hein ? C'est malin ! Mais chef, c'est vous tout seul qui êtes tombé. Ça suffit ! Fallait pas me faire retourner. C'est bien que ça glisse la vase, non ? 2 heures pour sécher, ça, maintenant. Bah, remarquez que maintenant que vous êtes mouillé, chef, vous feriez aussi bien que vous baigner. Rate ça. Ah oui ? Surtout que ça délasse. Un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef, un petit bain. Qu'est-ce que vous nagez bien, chef ? Oh là ! Avant, je nageais mieux que ça, mais c'est toujours pareil. Et oui, la 7e compagnie avec mes deux références en matière de jeu d'acteur, Aldo Machon et Jean Lefebvre. Juliette Arnaud, vous avez bossé le dossier cru. Oui, alors, on a lu un article dans Le Monde qui s'appelle Paris, qui s'intitule « Paris à l'épreuve des inondations ». Donc on a peur, hein, c'est 20 000 personnes évacuées, comme le notifié Alex, la Seine qui a plus de 6 mètres. Et à la fin de l'article, ce qui m'a fait le plus peur, moi personnellement, c'est une autre, ça doit être une de vos consoeurs qui dit « Il n'y a aucune solution technique qui soit capable d'empêcher une crue de cette ampleur. Seule la préparation de tous les acteurs, y compris de la population, permettra de faire face et de limiter les dégâts. » Non, ça c'est moi en fait qui le dit, mais c'est pas grave. Il n'y a qu'une géographe à Paris, on l'a fait. Vous l'avez trouvé, c'est vrai là. Donc, est-ce que vous êtes d'accord on est les acteurs. Non, je réfléchis. Est-ce que c'est pas une grosse On est les acteurs, c'est nous. Ben ouais. Donc c'est y compris nous autour de la table. Y compris nous autour de la table. Ok, on fait quoi techniquement ? Alors là, rien. En ce moment, rien. Non, mais le jour où ça sort. Alors, le jour où ça sort, ça dépend où vous habitez. Normalement, la préfecture va donner des messages d'auto-évacuation. Donc ça veut dire qu'en fait, vous allez devoir partir par vos propres moyens parce qu'il n'y a pas assez de pompiers pour vous porter tous. Et donc, il va falloir partir. Et il va vraiment falloir partir. Parce que, mais partir loin, donc. Alors ça, c'est comme oui, vous voulez. Oui, parce qu'on va juste devant la porte, en fait, c'est con. Non, mais loin, comment ? Loin 50 km ? Loin, on sort de Paris, loin. Ah, on sort de Paris, hein. On sort de Paris, non. Alors... Ah, si, si, on, si. On va devoir aller en banlieue. Même en la vérité. Je dis un gros mot, même en province. Ah, non, mais c'est-à-dire que... Non, mais c'est possible. Voir en Belgique. C'est possible aussi. Quoique, ça va être difficile, parce que ça risque d'être coupé. Il faut combien de mètres ? Parce que là, on dit 6 mètres 30, pour qu'on doive quitter Paris. En temps normal, quand il y a les canards, les poissons, tout ça, la Seine, elle est en dessous de 2 mètres. Ok. 3,20 m, vous fermez les voies sur berge. 5,50 m, vous lancez les cellules de crise. Là, on est à 6 mètres, on commence à voir le RERC, il n'est pas très content, ça fuite un peu, il y a de l'eau, tout ça. C'est pas que dû à la Seine, ça, régulièrement des soucis. Mais... Ouais, mais là, c'est, là pour le coup, pour une fois, c'est juste la Seine. Okay. Les autres n'y sont pour rien. 6,50 m, les premiers dommages au réseau arrivent. Là, on voit que les caves, ça craint un peu. Donc, les bouteilles, il faut les remonter en étage. On a vu que dans le 16e, de charmants propriétaires qui louent des appartements en souplex, c'est-à-dire dans les caves, ils sont inondés. J'aimerais y voir la main de Dieu, je n'y crois guère. Donc, par exemple, là, ça y est, on y est. Là, ça y est. Et ensuite, alors, non, on n'y est pas encore. Parce qu'en fait, une fois que les crues, ce qu'on appelle les crues majeures, c'est 7 mètres. Et la crue centennale, celle qui arrive une fois, enfin, qui a une chance sur 100 par an d'arriver. Bon, ça paraît pas beaucoup, mais si vous voulez 80 ans, vous aurez 2 chances sur 3 de l'avoir. Elle, elle a 8,62 mètres. Donc, on a encore à peu près là, 2 mètres pour y arriver. C'est-à-dire 2 jours de pluie complets ? Non. Là, c'est fini. Normalement, les pluies sont arrêtées. C'est pas la fin du monde. Alors non, c'est pas la fin du monde, mais par contre, la décrue va être très très lente. Donc, on va pouvoir continuer à se balader un peu auprès de, sur les quais. Enfin, pas sur les quais, au-dessus des quais, parce que là, se balader sur les quais, il faut des palmes. Mais d'ailleurs, il faut surtout pas aller toucher la Seine. Il faut pas la toucher. Il faut pas aller. Je vois plein de gens là qui s'approchent. Oui, mais alors justement, vous dites que dans les conséquences, l'une des premières conséquences lors de cette crue centennale, ça sera par exemple que le réseau souterrain donc du métro, il sera foutu et plus alors, utilisable. Il sera pas foutu. Sera fermé pour éviter qu'il soit foutu. Parce que si le réseau est foutu, c'est-à-dire s'il y a de l'eau qui rentre dans le métro, là on est mal pendant quelques années. Et quelques années sans métro, on va vraiment regretter les grèves. Hein. Et question essentielle, et les rats ? Ah, les rats. Alors les rats, quand on va les voir sortir, si un jour on les voit sortir, là on commence à se dire qu'il faut se barrer. Pourquoi ? Parce que les rats, ils habitent dans les égouts. Oui. Et que quand la Seine monte et quand il y a de l'eau dans les rues, les égouts, ils sont pleins d'eau. Donc les rats, pas bêtes, ils sortent. Et donc les rats, le problème, c'est que c'est des super bons nageurs. Ils adorent les canalisations et donc ils remontent dans les canalisations. Ils profitent un peu de l'air des tuyaux et puis ils viennent vous saluer chez vous. Coucou. Voilà, donc c'est un peu ratatouille pendant la crue. Ratatouille zombie. C'est ratatouille. Ah non, ratatouille. Ils viennent chez vous déjeuner, quoi, dîner, tout ça. Vous avez dit qu'on pouvait pas toucher la Seine, mais pourquoi ? Alors il y a deux problèmes là. Là c'est un peu sérieux. D'une part, il y a beaucoup de courant. Donc, justement. Donc, le journaliste, là, la con, il fallait pas y aller, quoi. C'est un peu, c'est un peu surprenant comme message de prévention. Surtout, l'eau, en fait, de la Seine, elle est polluée. Là, en plus, dans les endroits où c'est inondé, ça a stagné. Donc, il y a des tas de cochonneries qui se sont. Ouais. Il y a des hydrocarbures, il y a des machins, tout ça. Donc, faut pas la toucher. Et surtout, une fois qu'elle est partie, il faut pas toucher les déchets qui sont produits par la crue. Vous mettez des masques, vous mettez des gants, vous mettez des bottes. Alors, on déconseille également de la boire, évidemment. Je pense important de le préciser. Je vous signale qu'on boit l'eau potable est pompée dans la Seine. Quand même. Ouh, j'entends la musique qui annonce André Manoukian. Oui, allez les amis, on va partir en Californie parce qu'il faut changer un petit peu les idées. Et cette semaine, moi, j'ai fait une super belle découverte. Il y a des jours plus fastes que les autres quand on est en mode talent scout, en mode renifleur de talent. Il s'appelle Jameson, il est blanc, il est blond, il est albano-américain, il a la soul d'un Stevie Wonder, il maîtrise tous les instruments de musique, il fait ses premières démos à 18 ans dans lesquelles il y a du savoir, il y a du feeling, ce qui va pas forcément ensemble. La maîtrise d'un instrument demandant des heures et des heures de gamme, difficile de rester vierge quand on s'est farci la tête avec des arpèges et des exercices de torture chinoise, genre l'art de délier les doigts de Hanon ou Czerny, ces fameux maîtres du 19e siècle qui sévissent toujours et qui torturent nos jeunes apprentis pianistes. En infligeant, quand on fait des gammes, à nos oreilles, des milliers de notes, on perd la sensation première du son, l'extase de la note, celle qu'on peut avoir quand on se lève après une nuit de silence et qu'on pose ses doigts sur le clavier en égrenant simplement les trois notes d'un accord parfait majeur, do, mi, sol. Oh, comme c'est beau. À ce moment-là, ça sonne comme une symphonie. Ne vous faites pas avoir, Magali, ne vous faites griffer ça. Je résiste. Oui. Magali, c'est difficile de mener deux carrières de front, instrumentiste et compositeur. Jameson, il fait partie de cette rare famille dont le saint patron était un prince. Roger Nelson, plus connu sous le nom de Prince. Prince maîtrisait tellement tous les instruments que lorsqu'un musicien était en séance de studio avec lui, il se retenait d'aller aux toilettes. Vous savez pourquoi ? Parce que s'il allait pisser, il était sûr que quand il était revenu, Prince avait refait sa partie instrumentale. C'est bien simple, en découvrant Jameson, j'ai compris le sens du mot « sérendipité ». Vous savez ce que c'est la sérendipité ? Oui, on bah ne saurait pas l'expliquer comme ça, mais évidemment. C'est quand on cherche une chose et qu'on en trouve une autre. Par exemple, on cherche des bulots sur la plage et on trouve une jeune géographe qui prélève du varech dans le cadre de ses recherches sur les espèces en péril. Et là, on tombe amoureux des loutres de mer. C'est bien simple, c'est carrément la découverte de notre vie. Du moins, c'est ce qu'on tente d'expliquer à la jeune géographe. Et ça, c'est pas bien pour la accompagnant tout en se débarrassant discrètement des bulots qui commencent à sentir fort. La sérendipité, c'est Christophe Colomb cherchant la route de l'Ouest vers les Indes et qui découvre l'Amérique. C'est Stéphanie Tatin de la Motte Beuvron qui enfourne sa tarte aux pommes en oubliant la pâte et qui la rajoute après et qui crée ainsi la tarte Tatin. C'est l'aspirine, la pilule contraceptive, l'insuline, le Viagra, la pénicilline, le Teflon, le Velcro, le nylon, le post-it. Et moi, quel rapport avec moi là, parce que je me rappelle pour ceux qui suivent. Oui, bien sûr. Post-it. Non. Je cherchais de quoi faire une chronique et j'ai découvert un message essentiel aujourd'hui en termes de création musicale. Il n'y a plus de règles. On peut oser le mélange, se servir sans retenue de violon baroque pour exprimer une soul formidable. Alors je me sentais pris ces derniers temps sous la dictature dépressive des néo-folk minimalistes qui préfèrent une plainte dépouillée plutôt que des dégoulinades de violon. Voilà que ce gamin décomplexé, Jameson me balance à la face toute sa joie de pouvoir jouer de ces centaines d'instruments que nous proposent les ordinateurs. Puisqu'aujourd'hui, avec un powerbook, on a sous les doigts de quoi écrire toutes les symphonies du monde. Jameson est un peu comme cet autre gamin québécois de 15 ans, William Gadoury, qui vient de découvrir l'emplacement d'une cité maya dans la jungle juste en étudiant sur Internet les correspondances entre les constellations et l'emplacement d'autres cités précolombiennes. On vit une époque formidable. Pas un jour sans que je ne pense à Petite Poussette de Michel Serres qui nous dit que nos gamins accros à leurs ordi sont en train de vivre une révolution comparable à celle des Grecs quand ils ont découvert l'alphabet. Tout le savoir du monde étant désormais dans notre smartphone, nous voilà dispensés d'apprendre par cœur et voilà notre cerveau libéré pour aller vers l'imagination créatrice. J'avais des doutes en voyant mes schtroumpfs accrochés aux youtubeurs sur leur tablette et j'en ai moins quand j'écoute Jameson, ce gamin qui a intégré le feeling de Stevie Wonder, le groove de Marvin Gaye, les arrangements savants de Quincy Jones, la capacité mélodique imparable d'un Brian Wilson, chanteur de... Je connais que lui. Eh oui, Brian Wilson. Des garçons salopes. Voilà. De Beach Boys. La science harmonique de Bee Gees. Tout ça pour un nom réduit à 4 lettres. J-M-S-N Jameson. On l'écoute, c'est sur France Inter, la radio qui est à la fois loin dans le futur et un petit peu dans le passé quand même. Such cruel intention. Jameson, il s'appelle, comme et je disais qu'il avait la science harmonique des Bee Gees. Vous m'avez dit de faire court et puis j'arrête. Voilà, c'est tout. Écoutez-le, c'est trop cool. Écoutez-le, c'est toujours le résumé de vos chroniques. Oui. En fait. C'est tout ce qu'il nous faut savoir. Qui sortiront et... dans la Pléiade. Hein, bien sûr. Et nous sommes avec Magali Regezza. Votre livre « Paris coule-t-il » aux éditions Fayard. Vous êtes là, nous avons déjà parlé cru, maintenant nous allons parler de plein d'autres sujets, mais avant ça, oui, on va être obligé de se taper la chronique de Guillaume Meurice. C'est jamais une partie de plaisir. C'est contractuel, c'est comme ça. Mais c'est syndical, oui. Voilà. Et je vais vous parler de terrorisme aujourd'hui, enfin plus exactement syndicalisme, mais c'est pareil, hein, en tout cas pour Pierre Gattaz, il l'a affirmé dans une interview accordée au journal Le Monde il y a quelques jours, et on reconnaît bien là la belle capacité d'analyse de Pierrot. Bien vu mon gars, hein, encore une fois, il n'est pas dupe, Pierrot, que la CGT est menée d'une main de fer par le cheikh Aziz Abdelaoud Delmerguez, plus connu sous le nom de Philippe Martinez, hein, fameux guide spirituel. Alors, j'ai tenté de l'appeler directement Pierre Gattaz, hein, mais vous savez ce que c'est, la lutte antiterroriste, ça prend énormément de temps. Il était certainement sur le front au Phuket, hein, cette belle terre de résistance à la barbarie, enfin tout du moins au canard de barbarie, hein, concert avec un velouté de poireaux délicieux. Alors, j'ai finalement appelé ces lieutenants qui organisent la contre-offensive partout en France, qui luttent au jour le jour contre ces barbus. Pardon, du coup, non, c'est Moustachu qui bloque des routes et organise la pénurie, mais qui se rendent également coupables d'actes bien plus graves, par exemple au siège du MEDEF du département du Cher, où son président Nicolas Dumas a connu la terreur. Témoignage. Bon, ils ont collé leurs autocollants habituels. Bon, on a décollé derrière et puis on a beaucoup de dignité face à tout cela. Vous avez de la dignité ? Oui, je trouve que c'est un peu folklorique. Bon, certains de mes adhérents me disent, bon, écoute, ayons le même comportement. Moi, je l'interdis. Vous n'allez pas coller des autocollants MEDEF sur le local de la CGT ? Ça nous est peut-être venu à l'idée, mais on ne l'a pas encore fait. Ah, des propos qui font évidemment froid dans le dos. On craint évidemment une escalade de la violence, hein, du côté du MEDEF. On pense déjà à déverser des tortellinis au saumon dans des cases de chantier. Alors, ce sont des mesures radicales, mais je vous rappelle qu'on parle de lutte antiterroriste. Hein, c'est important. Alors, Pierre Gattaz est revenu d'ailleurs sur ce mot terroriste dans une interview à nos confrères d'RTL en disant que peut-être il avait dit une connerie. Qu'en pense Nicolas ? Oui, il s'est exprimé là-dessus en disant que le mot terroriste était un petit peu de outrepassé et que en revanche, le comportement de voyou, oui. Le discours de la CGT aujourd'hui, c'est de dire, regardez, on est tellement à bout qu'on est prêt à tout et quelquefois on peut même être totalement égaré. Oui. C'est tellement facile de dire après coup, regardez, on était totalement égaré. Oui, c'est facile et c'est exactement ce qu'a fait Pierre Gattaz. Il a dit une connerie puis après il a dit pardon, je m'étais égaré, du coup c'est gênant. Moi je veux bien essayer de défendre le MEDEF, mais bon, il faudrait peut-être aller une connerie à la fois, s'il vous plaît. Ce qui est gênant aussi, c'est cette fameuse expression prise d'otage. Ça, on l'entend partout, pour parler des actions syndicales. Alors, j'ai contacté Jean-Christophe Chastanier, c'est le président du MEDEF de la Haute-Vienne, qui était dans sa voiture, ça tombe bien, et il nous a parlé pénurie d'essence. Quand vous empêchez les gens d'aller travailler simplement parce qu'ils ne veulent pas remplir le réservoir, c'est de la prise d'otage. On est tous en train de subir la volonté irréductible simplement parce qu'ils considèrent que le mot travail est une vulgarité. Parce que normalement, c'est une expression qu'on utilise quand même pour des actes terroristes, prise d'otage. Franchement, on est en train de me parler de sémantique pour savoir si je respecte ou pas une bonne sémantique. En face de nous, on n'a pas de respect, on a le droit d'en avoir un peu moins en ce moment. Voilà ce qui s'appelle une riposte graduée. Hein, c'est celui qui le dit qui y est, comme on les aime. Vous le sentez, l'apaisement du dialogue social ? Vous le sentez bien ? Voilà. Alors, on sent moins la cohérence au MEDEF, puisque eux aussi, ils trouvent que cette loi El Khomri est nulle. Donc, ils ont un point d'accord majeur avec la CGT. Hein, donc, demandons plus de précision à Jean-Paul Barbet, président du MEDEF de Saône-et-Loire. On n'est pas en mesure, effectivement, d'assumer l'incompétence de nos systèmes. Mais est-ce que c'est pas vous qui prenez en otage le pays, du coup ? Oh, écoutez, comment voulez-vous prendre en otage un pays en otage ? C'est pas possible. Bah, vous venez de me dire que c'était possible, puisque la CGT le fait. Ah oui, c'est pas nous qui bloquons effectivement le droit de travailler, je suis désolé. Eh ben, tu peux être désolé Jean-Paul, parce que le CICE, c'est plus de 20 milliards de cadeaux aux entreprises en échange d'embauche. Hein, les entreprises l'avaient promis à Hollande. Et d'ailleurs, ça a beaucoup surpris Hollande que le MEDEF ne tienne pas ses promesses, parce que normalement, c'est son truc à lui de ne pas tenir ses promesses. Hein, il envisage de porter plainte pour plagiat. À ce propos, retournons voir Nicolas Dumas pour lui poser une question. Est-ce que le MEDEF bloque pas le pays aussi à son tour en ne créant pas les emplois qu'ils avaient promis, que vous aviez promis du coup ? On a promis des emplois. Oui, il y avait même des plus. On peu, oui, alors attendez. Oui, ah merde, ils avaient oublié, en fait, les mecs. Attendez, alors arrêtez tout, stop. On a trouvé le pourquoi du comment de la crise de l'emploi. Ils avaient simplement oublié, sans rancune, les mecs, sans rancune, alors presque sans rancune, parce qu'il n'a pas fallu longtemps à Nicolas pour trouver des excuses pour ne pas embaucher, notamment les jeunes. Alors, aujourd'hui, on pourrait créer des emplois si on n'avait pas cette difficulté, déjà, à recruter. Il y a une relation au travail de la part de ce qu'on appelle la génération Y qui est un peu compliquée. Ils veulent pas travailler. On n'a pas compris qu'est-ce qui pouvait motiver les jeunes aujourd'hui autour d'un emploi et d'un travail. Alors peut-être parce qu'on est mal payé, peut-être parce que les boulots sont pas satisfaisants ou excitants, mais c'est assez curieux. C'est quand même vachement curieux que les jeunes rechignent à bosser dans un emploi mal payé et absolument pas intéressant. Vraiment, je vous dis, le monde est vraiment fou. Le monde est fou et il le restera, hein, d'ailleurs, tant qu'il sera géré par des gens qui font semblant de confondre la lutte des calaches et la lutte des classes. Merci Guillaume Meurice. Écoute, c'était brillant comme d'habitude. Oh, mais vous êtes gentil. Allez, on continue l'émission avec ce deuxième sujet. Si tu ne vas pas à Lagardère, Lagardère viendra à toi. C'est un peu le leitmotiv de cette nouvelle mode. Tout faire venir chez soi à la maison, des stylistes aux chefs étoilés, tous viennent sonner à votre porte. Est-ce un service en plus ou une demande du consommateur qui crie ? On vient à la maison, il y a le printemps qui chante. Alex, tout est prétexte pour que vous passiez de la dope sur la chante. Alex. Et ce sujet, c'est Juliette Arnaud qui l'a traité, sujet de Madame Figaro. Oui, et qui. Non, vous vivez à Paris, ouais. Magali, vous avez remarqué, les livreurs, ils ont changé. Avant, c'était des petits gars en scooter, on avait peur pour eux, et ils nous livraient des pizzas, on va le dire, dégueulasses. Maintenant, c'est des types avec des barbes, sur des vélos qui n'ont pas de frein, donc ils nous font super peur aussi, et ils nous livrent une toute autre nourriture, d'après Madame Figaro, la crème de la bistronomie, le dessus du panier et de la street food, et parfois même des chefs étoilés. Et puis alors on fait venir la manicure, effectivement, on fait venir le coiffeur. Alors là, on s'indigne, on s'affole un petit peu chez Madame Figaro. On pense que, en tout cas, l'analyse comme un repli permanent sur une toute petite zone de confort, carrément une, peut-être même une peur inavouée du monde extérieur. Et alors là, je me dis, comme Guillaume Meurice va certainement le dire, où qu'il est, le vivre ensemble. Ah bah voilà. Et vous, qui êtes géographe, et donc qui êtes obligé de réfléchir à des solutions pour comment on va vivre ensemble, parce par exemple. Parce que vous êtes payé pour ça. Parce que c'est un petit peu votre travail. Voilà. Je suis fonctionnaire, en plus, je vous dis pas. Je suis mal barrée. Qu'est-ce que vous inspire de cet article, cette constatation? Rien. En fait, j'attends sur le pas de ma porte de voir le chef 3 étoiles qui arrive, parce que moi, pour l'instant... Alors non, il va envoyer un livreur. Ah zut, ouais, donc j'ai même pas le chef. Non, vous n'aurez pas le chef. Ah bon, bah alors... Vous aurez son travail. Ah. Non mais est-ce que vous pensez que que ça traduit effectivement un repli sur soi et... Le repli sur soi, je pense qu'il passe par d'autres, malheureusement, par d'autres vecteurs que le... Vous pensez que c'est une conséquence? Bah, que le repli sur soi existe et qu'après les services s'adaptent. Et les services s'adaptent, quoi. En même temps, bon, vu la vie parisienne, je pense aussi que voilà, c'est parfois pratique de pouvoir se faire livrer à domicile. Et puis les pizzas de l'époque, elles n'étaient pas si mauvaises que ça. Hein. On avait 20 ans. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup votre coupe de cheveux comme ça, hein, complètement dans tous les sens. C'est avec la pluie, là. Eh ben oui, l'idée d'aller chez le coiffeur où il y a quand même encore quelque chose de social. Oui. Où vous faire venir le coiffeur chez soi en se disant on va gagner du temps. Non, le pauvre, je peux pas lui faire ça. Non, enfin, franchement, s'il vient chez moi et je l'enferme, il reste pas dans 6 heures pour essayer. Non, c'est pas possible. Je veux dire, ça c'est pas humain. C'est... Donc ouais, l'idée de rencontrer des gens, ça vous semble quand même important, vous qui, alors je vous êtes pas sociologue mais géographe, mais malgré tout. Oui, pas sociologue. J'ai cru que vous alliez dire sociopathe. J'ai eu peur. Non, sociopathe. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Non, mais parce que en fait, ce qu'ils ont l'air de dire dans l'article, c'est qu'on en est parti. Il y a eu en 1980, il y avait une sociologue américaine qui avait inventé un terme qui était le cocooning, et là on serait passé carrément au bunkering. Alors. Il y a une chose qui existe effectivement, c'est qu'on constate dans le monde des replis sur soi avec effectivement une tendance à s'enfermer dans des quartiers. Il y a même maintenant des immeubles. Vous êtes par exemple aux États-Unis, vous avez carrément des immeubles, vous avez la salle de sport, l'école, tout est dedans. Comme ça, on sort pas, on voit pas les voisins. Par contre, l'entre-soi, il est entre gens de la même couleur, du même âge, du même revenu. Donc effectivement, là, on est vraiment entre soi et on va surtout pas voir les autres. Je pense qu'à Paris, on n'en est pas encore là, bien heureusement. Et ces phénomènes de ghettoisation vaccinations sont pas encore arrivées au stade qu'on observe, par exemple, aux États-Unis. Mais je suis rassuré que vous soyez rassurant. Nous sommes rassurés. Mmh, très bien. Soyons rassurés. Et Hippolyte Girardot, je suis jamais vraiment rassuré. Non, bah non, là, la chronique commence, mais c'est à vous. Eh oui, c'est à moi, parce que moi, en fait, voilà, je suis là, mais bon, c'est non. Parce que hier, j'écoute Patrick Cohen et j'entends qu'aujourd'hui. C'est-à-dire hier, donc c'était le lendemain, donc aujourd'hui, on est en déplacement à Lyon. Oui. Je me dis, ok, bon, c'est confirmé, c'est dans le journal de Patrick Cohen, donc c'est du lourd, c'est du béton, on va à Lyon. Alors je tape tripgreffe.com, hôtelmartinez.com, et donc je décide d'y aller en voiture. Et pourquoi en voiture? Bah parce que, un, je vais pouvoir écrire ma chronique à voix haute pendant le voyage et que dans le TGV, ça craint quand je me mets à improviser cette chronique. Et deux, parce que ma voiture, je m'en sers le plus possible parce qu'elle va bientôt être interdite par Hidalgo. Merci la gauche. Mais bon, ça, c'est une autre chronique. Si je commence à mélanger deux chroniques, ça va pas le faire parce que déjà qu'une. Bon, bref, je branche la radio et paf. Je me dis, je connais ça. Mais oui. Barbara de Rachida, musique de Black Hawk Down, un film halluciné de Ridley Scott sur la bataille de Mogadiscio en Somalie en 1993. Et c'est justement lui qu'on devait voir aujourd'hui à Lyon. Je me dis, c'est formidable, les étoiles s'alignent, c'est génial, vas-y, fonce. Donc je mets le son 4 points, la Buick en position cruising, le magnéto, et j'écris ma chronique à haute voix. Super chronique, mais génial, compréhensif. Et franchement, Alex, presque drôle. Alors je me dis, alors là, à Lyon, ils vont voir le talent du talent quand le talent est en déplacement. Bon. Je vais même chanter, oui, bah, je vais faire un rail. J'ai déjà fait un rap, je vais faire un rail. Allons-y, puisque la chronique commence avec Rachida, le chanteur de Carte de Séjour, qui a largement soutenu la première marche des beurs partie depuis les Minguettes en 1983, qui s'est terminée, cette manif, avec une manif énorme à Paris de 100 000 personnes. Et à ce moment-là, la promesse de Mitterrand de donner aux étrangers le droit de vote aux élections locales, promesse non honorée 33 ans après. Et tiens, on en voit les conséquences encore aujourd'hui avec ces vieux débats sur l'égalité, l'identité, le racisme, et notamment dans le foot, avec ces délits de nom français ou pas. Vous voyez où elle voulait en venir, cette chronique super brillante? Génial, non? Ben, vous voyez pas, moi je vois très bien. Et donc, une autoroute jusqu'à la conclusion, ça roulait d'un seul coup, paf! L'autoroute coupée. Merde. Et pas à cause des routiers ou des tracteurs. Non, à cause de la flotte. À cause de vous, en somme, madame Reguéza. C'est pas personnel, mais bon, quand même, le climat, c'est votre rayon. Voilà, si on vient à la fièvre, je vous parle au thermomètre. 2 minutes. Alors, je suis obligé de prendre la bretelle pour sortir. C'est la cambrousse. Les routes sont encombrées. Je sais même pas où je suis. Et malédiction, je dois faire le plein. Parce que c'est vrai, bon, ma vieille caisse, je l'adore, mais alors elle suce. Ce qui est normal, vu qu'elle pollue aussi. Bon, tout ça est tout à fait logique. Et évidemment, il y a plein de flotte partout, mais pas d'essence. Il y a une heure d'attente pour 20 euros, ce qui me permet en gros de sortir de la station de service pour faire le tour et revenir me servir. Bref, je la rallume la radio et là je tombe sur le maire. Pas le maire du village dans lequel je suis, non, le maire Bruno, de son prénom, qui, après des inévitables questions sur la primaire, dit qu'il ne faut pas, non, il ne faut pas enseigner l'arabe en primaire, comme le préconise Najat Vallaud-Belkacem, la ministre qui, elle, a un nom arabe, justement. Et je me dis que c'est une super idée de chronique, ça aussi. Parce que le grand-père a le maire, le baron Enguerrand Fradin de Bélabre, donc bien algérien, est né à Alger. Et donc, peut-être le parlait l'arabe. Alors je me dis, dis donc, dire qu'il faut pas enseigner l'arabe alors que son grand-père est né à Alger, et le dire à Najat Vallaud-Belkacem, dont la grand-mère était algérienne, va-t-on savoir s'ils se sont pas parlé en arabe, les deux? Le grand-père de Bruno et la grand-mère de Najat, va-t-on savoir? Je voyais très bien la connexion avec la chronique sur Rachida, quand paf, un texto, le déplacement de Lyon est annulé. Merde, on reçoit Magali Reguéza, une géniale climatologue. Bon d'accord, oh là là, ouais, très bien, mais bon, moi sûr que je vais faire cette chronique, non maintenant, Rachida, Benzema, Cantona, les socialistes et les arabes, tout ça c'est des bons sujets, et ben tout ça c'est tombé à l'eau, voilà. Oh, oui, bravo. Très très belle chute, bien repris. Bien repris. Et on retournera à Lyon, on vous emmènera et on réinvitera Rachida à venir ici ou ailleurs. Et changer de bagnole, Hippolyte Girardot, quand même, ça fait plaisir à Hidalgo. Troisième sujet avec Magali Reguéza. Comme Juliette Arnault s'est sacrifiée pour traiter les sujets aujourd'hui et hier, nous avons décidé systématiquement de choisir un sujet qu'elle maîtrise pleinement. Hier, c'était les bistrots. Aujourd'hui, c'est les insultes. Messieurs, c'est une question, je dois savoir... Oui. Le sac à merde, c'est une insulte? Je sais pas, je pose la question comme ça, c'est une insulte Oui. Non. Vous avez prévenu 500 francs. Non, non, vous pouvez mettre 3000 francs. Soit on va rajouter dans les sacs à merde. Vieux gros con, pourri d'enfoiré de merde au service du pouvoir qui me fait chier. 5000 parce que je vais rajouter aussi gros con de tête de merde, pull vomi de... Dracleur de bidet. Et on a reconnu les trois frères, les inconnus. Un dossier, c'est même la couve de Cosette. Les insultes, lâchez-vous. Oui, mais parce que c'est un vrai problème. Les insultes, à 80%, eh ben, elles contiennent forcément ou une connotation sexiste, ou une connotation homophobe, ou une connotation raciste. Donc ça, c'est pas possible. Personne n'a envie d'être, bien sûr, vous n'allez pas me contredire Alex, ou sexiste, ou homophobe, ou raciste. Je ne sais même pas ce que donc il faut s'insulter, parce que ça met de bonne humeur, mais il faut s'insulter de manière créative. Et donc, dans ce dossier... Bon, grognasse, tu avances un peu le... Voilà, et là, je vais te répondre. Tais-toi, mycose rectale. Ah oui, j'aime bien. Ah, ça lui va bien, ah, ça. Oui, c'est plus jus de poubelle, ou vieux chancre syphilitique, voire raclure de bidet. Le harceleur dans le métro, avant, je lui répondais, hey, t'es plus ma copine, maintenant je lui dirais... Bois mes règles. Oh, mais non, non, merci, non, mais 17h52, Magali, elle revient. On est contre ça. Non, on n'est pas contre. C'est Cosette qui conseille ça. Oui, bien sûr, c'est Cosette qui conseille ça. Et puis, on en vient à l'insulte de c'est celui qui dit qui est et que l'insulte qu'on se réapproprie. Je cite le magazine. L'insulte, lorsqu'elle est réappropriée, fonctionne comme une arme enlevée aux mains de l'oppresseur qui a le pouvoir magique de redéfinir le monde. Par exemple, les prostituées espagnoles en 2012, quand elles manifestent contre le gouvernement, elles ont des slogans qui disent « Nous, putes, le répétons, les politiciens ne sont pas nos enfants. » Et chez les chercheurs, qu'est-ce qu'on se balance ? Alors, on en a trouvé une pour les géographes. On a trouvé, tu fais pas avancer l'horloge de l'apocalypse. Non, tu fais avancer l'horloge de l'apocalypse. Est-ce qu'elle vous convient ? Je la ressortirai. C'est vrai ? Au harceleur du métro, je pense que ça va bien le calmer, le gars. Ça va le calmer net. Non, mais même comme chez les intellectuels, de temps en temps, on a envie de lâcher une petite insulte. Cher collègue, avec la petite voix qui monte comme c'est le ton qui fait l'insulte peut-être. Elle a le petit rire de gorge et tout. C'est... Sinon on est sans latin, mais c'est vachement plus dur je trouve parce que ça. Qu'est-ce que vous avez en boutique ? Bah, rien. Alors moi, Ne nous faites pas celle qui a jamais lâché une insulte. Non, mais je suis. Sinon, on va être obligé de faire un tour de table en demandant à chacun son insulte la plus créative. Non, mais moi, par exemple, j'aime bien chancre syphilitique. Ah, je trouve voilà. que c'est hyper dur à... Chancre syphilitique. Une fois que c'est sorti, c'est mais une fois que c'est sorti, ça fait pas mal. C'est visuel un peu, c'est sympa. C'est ça, ça fait un peu... Qu'est-ce qu'il faut vous faire pour en arriver à ça ? Pas grand-chose. Ah oui, quand même. Si on vous dit oui, la scène, elle est qu'à 5 mètres 2, hop, tais-toi. Chancre syphilitique. Ouais, ça marche. Oui, ça marche, effectivement. On fait un tour de table, Oui, un tour de table. Guillaume. Moi, je traite régulièrement les gens d'André Manoukian. Ils apprennent quand même un peu mal. Alors, André, n'hésitez pas à répondre. Alors, moi, je dis à des gars comme Guillaume Meurice, où as-tu déterritorialisé ton intelligence dans tes gerçures anales ? Oui, c'est presque joli, Girardot. Moi, je dis élevé par Juppé. C'est méchant, mais bon, il faut ce qu'il faut à un moment donné. Faut pas. C'est bon. C'est créatif. Va falloir y aller. Magali Reguenza, j'ai une cause potentielle des pluies et de la crue. Elle est derrière vous. C'est notre ami Frédéric Fromet. Et je pense que ça ne va pas. Vous voulez combien ? 7 mètres 2 ? Ça va changer la recherche. On va le laisser chanter. Frédéric, de quoi allez-vous nous chanter ? Bah justement, je vais vous parler des inondations. Bah bonne idée. Voilà. Enrico Macias m'a soufflé la solution. Il suffit de pomper l'eau. Pom pom pom pom pom pelo, pom pom pom pom pom pom pom pelo, pom pom pom pom pom pom pom pelo, pom pom pom pom pelo. L'avantage des inondations, c'est qu'on a appris le nom de la mère de Nemours, la fameuse Valérie Lacroute. Valérie, si tu m'entends, quand tu auras un instant, même si t'as pas que ça à foutre, j'aimerais être l'ami de Lacroute. Mais en attendant, pom pom pom pom pom pelo, pom pom pom pom pom pom pom pelo, pom pom pom pom pom pom pom pelo, pom pom pom pom pelo. Pour se marrer tous les jours, pas besoin d'aller à Nemours pour se taper le cul par terre, suffit d'écouter France Inter. En reportage sur les crues, on en voit qui l'aurait cru. Attention, tenez-vous bien, la journaliste Sandy Dauphin. C'était elle ou Alain Passerelle. Pom pom pom pom pom pelo, pom pom pom pom pom pom pom pelo, pom pom pom pom pom pom pom pelo, pom pom pom pom pelo. Pendant que BFM TV montre en boucle des gens mouillés qui disent qu'ils n'ont jamais vu ça, à la météo pour dire qu'il pleut, on parle d'un épisode pluvieux. Aïe aïe aïe, c'est vraiment dommage, je préfère l'histoire du petit nuage qui disait au ciel tout gris, j'ai très envie de faire pluie pluie.

droit de la raquette sont allergiques à trois gouttelettes. Je veux de l'eau pour les deux mois prochains, des cyclones, pas du crachin, de la flotte plus qu'il n'en faut, et fini le foot et le vélo. Il ne restera plus que Florent Marine Manodou. C'est une chanson sponsorisée par Papy Brassard. La police du jeu de mots a frappé à cette porte. Ah, oui. Vous êtes en état d'arrestation, mais vous serez quand même en Dordogne, il me semble-t-il, ce week-end. Oui, si je peux. Bah, dites-le. Jusqu'en Dordogne. À Grignoles. Eh ben voilà, il sera à Grignoles. Très bien, c'est merci. Pompello, notre Magali Reguezza. Un hymne pour vous maintenant, dorénavant. Ah oui, Paris coule-t-il chez Fayard, est toujours en librairie. Et j'imagine que maintenant, on va être bientôt débarrassé. C'est quand qu'on n'en parle plus de cette crue? Pas tout de suite. Vous me donnez une dizaine de jours? Ouais, pour la décrue. Bon, et gardez-la jusqu'à lundi parce qu'on reçoit Monsieur Poulpe, ça me permettra de faire une blague. C'est l'invité de lundi si Charline Vanhoenacker revient. Merci à tous, merci André Manoukian. Vous êtes sur France Inter ce soir, me semble-t-il. Merci Hippolyte Girardot, merci Juliette Arnaud, merci Guillaume Meurice. Et on se quitte avec les pompiers de Paris. 2 heures pour sécher ça maintenant. Remarquez que maintenant que vous êtes mouillé, chef, vous feriez aussi bien de vous baigner. Un petit bagne pour le chef, un petit bagne pour le chef, un petit... Qu'est-ce que vous nagez bien, chef? Oh là!